Kalika mwako kamwa na otorute bako chinzela mabe. Matuna kite na shetani gola. Eba kite jesa seta. Eba geto basolele jibwe. Solele kima kwa. Le president malite ou est très très fort. Solele kima kwa. Eba geto solele jibwe. Solele kima kwa. Walenge langa kwete. Solele kima kwa. Son excellence a même baka yoko. Amen, amen, amen. L'ambassadeur faut des signes supérieurs. Christian est venu dans ma bande. Je t'aime pas. Yasek Monamani. Ça revient toujours au lieu du crime.